Chapitre 5e. Ici commence une période de ma vie sur laquelle je puis passer assez rapidement, car elle marque un temps d'arrêt dans mon évolution cérébrale. J'étais orphelin, sans parents, qui s'intéressent à moi. Mon père m'avait laissé, sinon la fortune, tout au moins une aisance très raisonnable, une dizaine de mille livres de rente. Un des clients de mon père, M. Charvet, professeur au Collège de France, touché sans doute par mes aptitudes évidentes, accepta du juge de paix le rôle de subrogé-tuteur, se chargea de mon patrimoine et m'engagea à continuer mes études. J'y consentis facilement. Je ne sentais encore aucune curiosité de la vie libre. Loin de là, l'internat auquel j'ai dû me résigner ne me parut pas pesant. J'étais alors dans une singulière disposition d'esprit. Loin d'aspirer à l'indépendance, j'avais au contraire de vagues désirs de claustration. Une histoire de l'abbé de Rancé qui était tombée entre mes mains avait tourné mes idées vers le cénobitisme. J'avais lu avec avidité la vie des grands solitaires, les légendes chrétiennes de saint Paul le Thébain, de saint Antoine, de Siméon, et ces exemples avaient développé en moi une passion contemplative. Le soir, à l'étude, sous la lueur tempérée des lampes, m'enveloppant d'un rempart de livres, j'arrivais à m'abstraire si complètement de tout ce qui m'entourait que je créais autour de moi une solitude factice. J'éprouvais alors une jouissance infinie, me perdant en rêveries vagues, plus creuses que profondes. Peu à peu, je cédais à une sorte d'hypnotisme, que bien entendu je ne notais ni n'analysais alors, et qui ne se dissipait qu'au signal donné de cesser le travail. Je m'habituai à cet état comme à un accès d'ivresse quotidienne. Je prenais mille précautions pour que mes devoirs fussent finis afin de me réserver cette heure ou tout au moins cette demi-heure de suprême placidité. Tous les 15 jours, je sortais et passais la journée chez mon tuteur. C'était un homme de 45 ans environ qui, depuis sa jeunesse, s'occupait d'études orientalistes. Il était veuf et avait 2 enfants, un fils de 2 ans plus âgé que moi, et qui se préparait à l'école polytechnique, et une fille. Je ne veux pas encore songer à elle, c'était une enfant, elle avait 12 ans à peine. Quant au fils, il s'était produit en lui un phénomène bien singulier. M. Charvet, ai-je dit, avait consacré sa vie à l'enseignement des langues hindoues. Il était un des plus assidus collaborateurs de Max Müller, et continue en France l'œuvre de Burnouf. Par une tendance très naturelle, tout son intérieur portait le cachet de l'ornementation hindoue. Son cabinet notamment était encombré de statuettes, de fûts de colonne, de pierres de toutes formes rappelant les études auxquelles il se livrait, tout cela pêle-mêle, mais formant un ensemble étrange et saisissant. Il était grand, blond, fade. Pour tout dire d'un mot, avec ses grands cheveux, sa face blanche et grasse, ses lunettes inamovibles, il ressemblait à un privat docent des universités allemandes. Son fils, il s'appelait Georges, était brun, avait les cheveux crêplés, une barbe naissante qui se séparait en 2 pointes. Ses yeux, très noirs, longuement fendus, avec une légère tendance au relèvement prétemporal, avaient une douceur singulière, comme une limpidité humide où le regard se noyait. Bref, avec son teint mat, il me représentait exactement le type d'un homme né sur le bord du Gange. Cette remarque était instinctive, mais il me semblait que sa physionomie s'harmonisait parfaitement avec le cadre oriental dans lequel il m'apparaissait. Et ce qui est surtout curieux, c'est que mon observation était exacte, car ses camarades lui avaient donné en riant le surnom de Bouddha. Il était très doux, bon garçon, et me témoignait une sympathie réelle. Nous passions la journée ensemble, le plus souvent en promenade à travers Paris. Il causait peu et semblait très attentif à mes bavardages qu'il soulignait du sourire qui lui était habituel. Une année se passa ainsi, j'entrai en philosophie. Georges fut reçu à l'école polytechnique. Mais à ma grande surprise, il se déclara satisfait de ce succès et dédaigna d'en profiter. Il resta auprès de son père dont il devint le secrétaire et le collaborateur. Cette année-là, les mauvais temps d'hiver m'obligèrent à passer plusieurs dimanches chez M. Charvet. J'avais remarqué d'ailleurs que Georges ne sortait avec moi que par complaisance. Évidemment, mon verbiage l'ennuyait. J'avais l'exubérance de paroles niaises et prétentieuses qui caractérisent l'âge où l'on ne sait rien, pas même apprendre. Tout frais et moulu de philosophie officielle, je dissertais à perte de vue sur les questions les plus abstraites, prenant ma mémoire pour de la science. J'étais insupportable et je le sentais. Au contraire, Georges, Bouddha, s'était passionné à froid pour les travaux de son père et je devinais qu'il lui était pénible de s'y arracher pour me servir d'interlocuteur bénévole. Je me piquais d'honneur, car feignant à mon tour d'être fatigué de déambulations inutiles, je demandais la permission de passer quelques jours dans la pagode, comme j'appelais le cabinet de l'orientaliste. Il y eut quelque pitié dans le ton de M. Charvet, quand il m'affirma que j'allais bien m'ennuyer. Je protestai d'autant plus vivement. Je m'installerai là, à une table, et j'étudierai mon Descartes. Ainsi fut-il fait, et bientôt les deux savants finirent par oublier ma présence. À cette époque, à l'exception des quelques moments d'automagnétisation que je me ménageais chaque soir, j'étais revenu à un état normal. J'avais complètement perdu la notion des effets ressentis autrefois auprès de ma mère, comme aussi des appels à la volonté plus instinctifs que raisonnés. Je m'étais résigné à n'être qu'un élève de force moyenne, de ceux qu'on nomme consciencieux. C'était donc par pure curiosité que je prêtais l'oreille à la conversation du père et du fils, qui déchiffraient un manuscrit et échangeaient leurs observations. J'entendais le son plein et grave d'une langue que je ne comprenais pas, où le A se modulait avec des harmonies étranges, où les consonnes avaient des glissements, des aspirations, des rondeurs bizarres, des gutturalités despotiques. Puis ils s'arrêtaient et causaient en français, coupant leurs phrases de ces mots nouveaux pour moi et qui avaient tout l'attrait d'un grimoire inconnu. Je m'en rappelle encore comme si c'était hier ces phrases échangées entre eux. « Ces fakirs, dit M. Charvet, ne sont que d'habiles jongleurs. »« Je ne le crois pas, mon père, répliqua Georges. Tout peut s'expliquer par la projection de Linga Sharira. » Mais Linga Sharira est lui-même inexplicable. Pourquoi ? Linga Sharira est Ashtula Sharira ce que Bouddhi est à Atma. Certes, je ne comprenais pas un seul mot de ces dissertations. Mais était-ce la mélodie de cette langue, du sanskrit, comme je le sus plus tard, était-ce en raison de cette disposition commune à tous les hommes et qui est l'attrait de l'inconnu ? J'écoutais ainsi pendant plusieurs heures, sans un geste, sans un mouvement, me passionnant pour ces sons qui n'offraient aucun sens à ma raison, pour ces idées que je ne saisissais pas, mais qui produisaient sur mes nerfs exactement le même effet que celui du tambourin frappé en un rythme sourd et monotone sur les derviches tourneurs de Constantinople. J'arrivais à un engourdissement extatique d'un charme pesant et exquis. La séance prit fin, et je regrettais presque d'entendre ces deux hommes qui, pendant plusieurs heures, m'avaient semblé des êtres mystérieux, causés comme de simples mortels des intérêts mondains. Pourtant, je n'osais pas les provoquer à un retour vers leurs études favorites et je rentrais au lycée, en proie à une préoccupation intense. À ma sortie suivante, j'employai toute ma diplomatie à obtenir une nouvelle séance. Et j'y réussis facilement car en vérité je n'avais pas été gênant. Et pendant 3 mois, tous les 8 jours, je pus me procurer cette jouissance inexplicable qui n'avait d'autre principe que la dégustation du mystère. Cependant, à force d'attention, j'étais parvenu à savoir d'abord qu'il s'agissait de langue sanscrite, de Devanagari, puis que les deux savants s'efforçaient d'expliquer les prodiges exécutés par des êtres privilégiés, yogis ou fakirs, inhumation prolongée pendant des mois et suivie de résurrection, arbuste naissant d'une semence ou se développant en 2 heures, phénomène de lévitation ou de suspension dans l'air. M. Charvet était l'incrédule, Georges le possibiliste. Dès que cette notion eut pénétré dans mon cerveau, j'attachai la plus grande attention aux discussions du père et du fils. J'ai toujours joui d'une grande finesse d'ouïe, non seulement dans le sens de l'audition à longue distance ou de la perception des bruits les plus faibles, mais surtout au point de vue de la notation des sons entendus. Dès que j'y pris garde, Les mots dont la signification m'échappait furent saisis par ma mémoire comme les notes d'un chant, et je pus, resté seul, les transcrire avec leur prononciation exacte, sinon avec leur orthographe réelle, si bien que je réalisais ce problème de parler le sanskrit avant de le connaître. Mais en même temps, et par une corrélation très naturelle, je fus pris de l'intense désir de l'apprendre. Mon but n'était certes pas purement philologique. Pour moi, la possession de cette langue impliquait la possibilité du miracle. Je la considérais comme une formule magique, grâce à laquelle il était possible d'opérer des prodiges. Il en était un surtout qui était le but le plus ardent de mes désirs. 100 fois, il m'était arrivé pendant mon sommeil de me sentir enlevé dans l'air, de voler à la façon de l'oiseau, de m'élever à des hauteurs prodigieuses et en même temps d'éprouver en cette sensation de suspension une impression exquise. Puisque les fakirs parvenaient à se léviter pendant la veille, pourquoi n'y parviendrais-je pas moi-même? Je me persuadais que la prononciation de certains mots sanskrits, en des conditions encore ignorées de moi, mais que je saurais bien découvrir, communiquait à l'homme ses puissances occultes. Pour rien au monde, je n'eusse avoué cette fantaisie à mon tuteur ni à son fils. Plus que tout, je redoutais un signe de dédain. Il fallait donc me mettre à l'œuvre seul. J'achetai les grammaires de J. Desgranges, d'Opère, que je dissimulais avec le soin que mettaient certains de mes condisciples à cacher des romans, et renonçant à mon hypnotisation de l'étude, je me mis à travailler avec acharnement. Je fus surpris de constater combien le travail tout mécanique de prononciation auquel je m'étais livré facilitait ma tâche. Au bout de 3 mois, j'étais en état de lire couramment une page de texte imprimé. Quant à la traduction, c'était une autre affaire. Le sanskrit est aux langues modernes ce que l'algèbre est à l'arithmétique. Il faut avoir trouvé la clé pour la comprendre dans ses combinaisons presque mathématiques. Ce fut alors que l'idée me vint de faire appel à cette force de volonté qui, en diverses circonstances, m'avait déjà tiré d'embarras. Mais à mon grand dépit, je sentis qu'il m'était impossible d'opérer à nouveau ces concentrations d'énergie qui naguère se produisaient pour ainsi dire spontanément. En fait, j'étais redevenu un être normal, équilibré, médiocre, comme la presque unanimité des hommes. Je m'irritais et laissais là mes livres de sanskrit. Puis je commençai mon droit, et la mort subite de mon tuteur m'ayant mis en possession de mon capital, grâce à une émancipation qui avança ma majorité de quelques mois, je changeai subitement d'allure. Je m'enivrais de ma liberté et me lançai à toute bride dans les plaisirs dont jusqu'ici je n'avais même pas conçu l'idée. Je devins, pour tout dire, un abominable garnement. Et cependant, puissance de l'atavisme, même dans les entraînements les plus stupides, même quand mes compagnons de plaisir surexcitaient ma vanité de Richard, comme ils le disaient, même quand j'obéissais aux caprices de ces créatures qui exploitent notre niaiserie, revivait plutôt en moi l'esprit d'ordre de mon père. Je ne dépensais que mon revenu, à peu près 1 000 francs par mois, ce qui constituait une liste civile de rois, au quartier latin. 5 ans se passèrent ainsi. Je me souciais médiocrement du droit, et ne passais mes examens qu'à mon corps défendant. Que deviendrais-je? Je ne m'en préoccupais pas. N'eût-il pas mieux valu d'ailleurs pour moi de rester dans cette fange où, peu à peu, je me serais engourdi et noyé, que d'en avoir été violemment arraché. Pour remonter si haut qu'aujourd'hui, je n'ai plus qu'un degré à franchir pour atteindre la toute-puissance, ou la mort. Ce qui décida de mon avenir fut une querelle ridicule, qui s'engagea en un restaurant de nuit, entre moi et un étudiant, à propos d'une fille perdue, et qui s'éleva à un tel diapason de violence et de menaces qu'on nous expulsa de l'établissement. Nous nous trouvâmes sur le trottoir, mes compagnons, les femmes et mon adversaire. Celui-ci continua à m'insulter. C'était un colosse, un provençal, aux épaules énormes, aux bras de fer. Cependant, ce fut moi qui, le premier, levai la main. Nous nous ruâmes l'un sur l'autre. En un clin d'œil, il me saisit par le milieu du corps et je me sentis comme pris dans un cercle qui, en se serrant, allait écraser ma poitrine et me briser les reins. Alors, par un effort cérébral identique à celui qui jadis m'avait révélé le sens d'une phrase de Tacite, toute ma vigueur se concentra dans mes mains, dans mes avant-bras, dans mes biceps. Je frappais, ou plutôt quelque chose qui sortait de moi et était plus que moi, atteignit l'homme qui râla et tomba. Et moi aussi, je m'écroulais de toute ma hauteur, inanimé, à demi tué, par l'exhaustion de l'effort. Ici s'arrête la première partie de ma vie. Je puis dire cela, quoique 6 ans seulement se soient écoulés depuis cette catastrophe, car en ces 6 années, j'ai plus vécu que pendant les 25 premières. J'ai 31 ans. J'en ai 50. Et d'ailleurs, est-ce qu'à la veille d'une bataille, on sait l'âge qu'on a ? L'âge réel, c'est la proximité de la mort.